Chapitre 7. Orgie et massacre. Alors commença la sanglante orgie, une des plus effroyables dont l'histoire ait enregistré le souvenir. Le flot des assaillants pénètre par toutes les voies dans le palais de la royauté. Les bandes de Santerre et de Westermann se ruent avec des instincts de bêtes fauves sur les soldats isolés qu'elles trouvent dans les appartements. Ceux qui se sont montrés les plus lâches au combat sont les plus ardents au massacre et au pillage. Ils égorgent ou brisent tout ce qui leur tombe sous la main. On tue jusqu'aux blessés et aux mourants, jusqu'aux chirurgiens qui les pansaient, tous les serviteurs du château, les Suisses dans leur loge, les chefs d'office et les marmitons dans les cuisines, les huissiers, éducs et valets de pied dans les antichambres. Après s'être gorgés de sang, les massacreurs se gorgent de vin, descendent dans les caves et défoncent les futailles. Les uns volent du linge, des bijoux, des assignats, de l'argent. Un avocat nommé Daubigny vola 100 000 francs que sa femme, sous le coup de menace, dut restituer le lendemain. D'autres mettent en pièces tous les meubles de la résidence royale, glaces, pendules, livres, tableaux, objets précieux, et les jettent dans les cours pêle-mêle avec les cadavres. On voyait des portefeuilles et des chiffonniers s'affubler des ornements royaux, des costumes du sacre, s'asseoir sur le trône et parodier les représentations de la cour. Les prostituées, ces dignes reines de l'émeute, revêtaient les robes de Marie-Antoinette et se vautraient sur son lit. Pendant que les scènes de ce drame infernal se déroulaient dans les appartements du château, quelques-uns des Suisses qui traversaient le jardin tombaient sous les balles des gardes nationaux. D'autres étaient sabrés sur la place Louis XV par la gendarmerie à cheval. Ceux qui avaient accompagné ou rejoint la famille royale à la salle du manège s'étaient vus contraints de déposer les armes sur un ordre du roi. Enfermés dans l'église des Feuillants, ils sont envoyés, les uns à l'hôtel de ville, les autres au comité de la section du Roule. Durant le trajet, la populace les arrache à leur escorte et les égorge. Le 2 septembre attendaient les survivants de ces fils d'une république qui périrent presque tous pour rester fidèles au serment qu'ils avaient prêté à la royauté. Nous ne parlerons que pour mémoire des assassinats isolés qui achevèrent de marquer en traits de sang cette date à jamais maudite du 10 août 1792. Nous avons vu les premières lueurs du jour éclairer le meurtre de Mandat, celui du journaliste Sulot et de ses compagnons, auquel présida Théroigne de Méricourt, s'accomplit au moment même où Louis XVI pénétrait dans la salle du manège. Dans l'intervalle du carnage et du sac des Tuileries, les corps du commandant Karl, de Clément Tonnerre et de plusieurs autres furent également jetés en pâture aux tigres que la Révolution avait déchaînés. Par une exception qu'on ne rencontre plus dans les massacres révolutionnaires postérieurs au 10 août, ce jour-là, on épargna les femmes. « Lève-toi, coquine, la nation te fait grâce !» dit un des tueurs marseillais à Madame Campan. On fit grâce également à Mesdames de Tourzel, de Soucy, Thibault, de Saint-Brice, Lemoine, Bazir, de La Roche-Aymon, de Ginestou, de Tarente, etc. Parmi les 200 gentilshommes qui étaient dans le château, les uns avaient rejoint le roi, d'autres s'étaient esquivés par les grilles du jardin. Plusieurs purent atteindre l'extrémité de la galerie du Louvre et gagner par l'escalier de Catherine de Médicis les rues voisines, où ils se dispersèrent. Pendant ce temps, un incendie, allumé dans les dépendances des Tuileries, prenait d'inquiétantes proportions. Le feu avait consumé les écuries de la garde à cheval, les bâtiments des cours, l'hôtel du gouverneur du château. Il menaçait le pavillon Marsan, celui de Flore, tout le quartier Saint-Honoré. On tirait sur les pompiers envoyés par l'Assemblée pour empêcher de détruire le palais du tyran. Toutefois, la flamme n'accomplit qu'à moitié son œuvre. Les pétroleurs de 1871 ont pu reprendre et conduire à bonne fin l'œuvre inachevée des incendiaires de 1792.